suis content que tu sois venu parce que je parlais à mes frères des méfaits de la drogue dans la communauté et je suis toujours en sous-nombre, en phase 2, alors je voudrais que tu donnes ton opinion, toi aussi. Eh bien déjà, je vois que Kevin essaie de planquer son joint, mais tu sais, tu peux y aller devant moi, hein. C'est pas grave, moi-même je fumais de temps en temps lorsque j'étais plus jeune. Ouais, mais vous n'avez jamais goûté à la chronique. Oh non, ça je ne connais pas, je dois l'avouer. Ce que je veux leur faire comprendre, c'est qu'ils se bousillent l'esprit à faire des trucs comme ça. C'est le piège du diable et ils tombent dedans. Mais c'est quoi le piège du diable, négro? Ouais, les mecs, et oui. C'est ça le piège du diable, voilà ça. Je tape dans les bras, trop des boires, scout au comptoir. C'est dans les bars ou dans les boîtes qu'on tape des bars, on attend pas le top départ. On veut un yeb, alors dans le slip on a des parts. Le lard est dans les gares, au T4, est-ce qu'on est les parcs? Gaffe à pas trop les parts, si t'as les crocs comme un guépard. Un gros qu'on t'épargne, si face à eux t'es mieux vêtu. La jalousie les gagne, et frère après comment veux-tu que ces gros qu'on t'épargne? Elle fait pas de cadeaux, la vie tu sois bon ou pas c'est pareil. L'amour fait peur, on sait qu'on finira séparé. Indépendant dans l'addiction, c'est dans mes checks mon adhésion. Dépendant aux addictions, pour ma santé j'ai peur quand j'en fais l'addiction. Crever c'est pas dans mes projets. Il a joué n'importe quel poids face à celui de la rancœur. Le diable est aux anges, il me regarde, je l'ai pas dans le cœur. Cet enfoiré de me voir en tôle ou dans un brancard. Les proches ont trépassé, chez eux je peux plus passer. Garde à tes tours comme au pays du soleil, le vent marcher. Droit devant, écoute les vrais et pas le vent. Optimiser car tout s'arrange avec le temps. Un jour faudra tout décrocher, le droit je pense en approcher. Elle m'a collé au banc comme une moule au rocher. La drogue met chaos sans mettre des droits tout décrocher. Elle te laissera sans le chaos avec la gueule bien amochée. Bien placé pour en parler depuis tout ce temps m'a rattrapé. Je remercie les sourds de pas être passé à la trappe, de pas être une crapule et qui m'est pas attrapé. Pour rapper avec les tripes, y'a pas besoin d'être rapu. Je suis là pour le prouver, comme ça tu fumeras plus trop. Comme ça tu pourras plus gros. T'es pété, hein, dis-moi. Mais non, du con, je m'en suis fait deux. Combien de fois je me suis garé en pensant faire les bons choix. Noyer mon mallette dans le H et là son bois. Un petit pige à faire le con, à prendre des coups, à divaguer. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, donc on a appris à se relever. Trop écrit car nos vies ne sont pas celles qu'on a rêvées. La retourne mais sur nos gueules, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. On voit l'instru que je vacue, tout ce qui nuit à mon esprit. Tout ce qui m'empêche d'avancer, c'est le temps, c'est de l'argent. C'est des millions que j'ai dépensé, plus lipide, H24, 7 sur 16, défoncé. Deux fois, deux bouteilles de Hax, ma poule. T'es vraiment pété, négro.